بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الحج. سورة الحج في المسألة 17 بعد المئة، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. Dans le sens où Allah dit qu'il était permis de combattre à ceux qui ont été lésés. Il leur a été permis de combattre. Verset 39. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه لا واجب. Donc ce double verset démontre que le fait de combattre les kuffars est une chose qui est permise et non pas obligatoire. وقد جاءت آية تدل على وجوبه كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Et d'autres versets sont venus pour montrer l'obligation de cela, c'est-à-dire lorsque cela a lieu, bien évidemment, et non pas dans l'absolu, de les combattre, lorsque cela est possible, et que cela est rendu légiféré, dans le sens où Allah est dit, et lorsque les mois sacrés se finissent, alors tuez les mushrikin. Sur la Tawba, verset 5. Wa qawlihi ta'ala, wa qatilu al-mushrikin kaffa. Il est réalisé les kemnes l'ayat. Et ça part dans le sens où Allah est dit. Et combattez les mushrikin. Voyez, combattez-les tous. Combattez-les tous. Kazalik sur la Tawba, verset 36. Et d'autres versets qui vont dans le même sens. Qala wal jawabu zahirun. Et la réponse, elle est apparente. Wa huwa annahu uzina fihi awwalan min ghayri ijab. Thumma ujiba ba'da zalika kama taqaddam fi surat al-Baqara. Donc tout simplement, c'est qu'au début, cela leur a été permis, sans que cela ne leur ait été rendu obligatoire. Il leur a été permis de se défendre. Et par la suite, une fois que les musulmans sont renforcés, sont devenus plus forts et en mesure de pouvoir accomplir cela, cela leur a été rendu obligatoire, comme cela a été cité dans surat al-Baqara. وَيَدُلُّ لِهَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَوْرَ ابْنُ زُبَيْرِ وَزَيْدِ ابْنُ أَسْلَامِ ومقاتل ابن حيان وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد كما نقله عنهم ابن كثير وغيره من أن آية أذن للذين يقاتلون هي أول آية نزلت في الجهاد. Et donc cela est le sens cité par plusieurs mufassirin à leur tête ibn Abbas رضي الله عنه et d'autres parmi les tabi'in, parmi les grands mufassirin, que ibn Kathir a rapporté leur parole en disant justement que ce verset là qui leur a été autorisé à ceux qui ont été lésés de combattre, cela était au début du djihad, lorsque le djihad a commencé à être rendu légiféré. Allahu ta'ala alam, wa alhamdu rabbil alamin.